propos des vêtements monastiques féminins, règlements, habitus, rhabillage et lessivage. Le titre, j'en suis pas responsable et je n'en suis pas l'auteur. Et je salue ici Clyde qui m'a dit bah, il faudrait, Nicole, que vous veniez. On parle de routine et on n'a jamais parlé encore de vêtements. Or, effectivement, c'est quand même la première des routines, puisque ce matin, avant de venir, ou cet après-midi, nous nous sommes tous déshabillés, rhabillés. Et on a fait ça une fois aujourd'hui, deux fois peut-être, si on a eu très, très chaud comme moi dans le train. on le fera demain, on le fera tout au long de l'année, et une vieille dame comme moi le fait depuis sa naissance et jusqu'à sa mort. Donc c'est quand même un truc essentiel, mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment une routine ? D'où la question et l'intérêt des propositions de questionnement de Klein, quand on a discuté toutes les deux, c'est, on va voir que c'est le vêtement religieux est un vêtement extrêmement normé, réglé, routinier, qui n'est pas du tout le même que le nôtre, puisqu'il est fixé, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un vêtement dans la routine ? C'est un vêtement normé, mais est-ce que c'est un vêtement routinier ? Je vais essayer de montrer que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et que la vie des contemplatives, je parlais un peu des apostoliques, mais c'est essentiellement sur les contemplatives que je travaille, celles-ci attachent à leur voile, à leur guimpe, à leur bandeau, à leur manche, à la longueur de leurs ourlets, une importance et une symbolique spirituelle si grande que leur vie spirituelle se traduit d'une certaine manière dans les transformations de leurs vêtements. Donc, entre normes, rituels et aspirations individuelles, c'est ce à quoi je voudrais vous inviter à réfléchir aujourd'hui. Et cela avec des images. Alors, je pensais que j'étais la fin du séminaire, et je me suis dit, tout le monde va être tellement épuisé que je fais un PowerPoint, image après image. Alors, la première image, vous la regardez, elle sort du missel de ma grand-mère, et c'est une image, comme il s'en est imprimé des centaines, voire des milliers, qui rappelle que la religieuse catholique, hein, je ne vais parler que des religieuses catholiques, je vais d'ailleurs parler que des femmes, ce qui veut dire que je ne vais pas faire, contrairement à mon habitude, véritablement de l'histoire du genre. C'est-à-dire que si j'avais eu du temps, plus d'intelligence et plus de savoir, il aurait fallu comparer vêtements monastiques féminins et vêtements monastiques masculins. Hein. Alors, à l'occasion, je dirais quelques petites choses, mais aujourd'hui, honte sur moi, je ne suis pas l'historienne du genre que j'essaie d'être ou de devenir. Alors, retour sur cette image. Elle rappelle, on a une religieuse dans un vêtement catholique tout à fait canonique, mais on va voir qu'il y a beaucoup plus de sous-types que le type qui est présenté ici. Ce qui fait intérêt, me semble-t-il, dans cette image, surtout, c'est que ça rappelle que entrer en religion dans le catholicisme, ça veut dire prononcer des vœux. Des vœux qui sont généralement des vœux, alors ce sont des vœux définitifs, mais qui peuvent être triennaux, renouvelables, etc. On en parlera sans doute avec les apostoliques. Mais ces trois vœux principaux, c'est pauvreté, charité, obéissance, auxquels s'ajoutent stabilité, régularité, pour celles qui sont soignantes, le soin des autres, pour les enseignantes, etc. etc. Et tout ça est évidemment agi intérieurement et extérieurement, par l'imitation du Christ. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette image est intéressante, puisque cette religieuse est en prière et va passer dans le cloître toute sa vie, ou même si elle n'est pas cloîtrée, dans l'attente de la vraie vie, qui est la vie après la mort. Et donc, toute souffrance est bonne à prendre, puisqu'elle ne sera jamais aussi forte que la souffrance subie par le Christ. Et donc, cette attente de l'au-delà va passer aussi par le vêtement comme instrument de pénitence. On y reviendra tout à l'heure. Donc, voilà à peu près ce que cette image avait l'intention de vous rappeler. Alors, deuxième ensemble d'images, c'est le vêtir en religion, disais-je tout à l'heure, est-ce que c'est le comble de la norme? Alors, j'insiste sur le fait, excusez-moi d'être un peu bafouillant, sur la souffrance et ce pourquoi on est sur Terre, si on est un bon ou une bonne catholique, et le choix de la clôture ou de la vie religieuse, c'est d'accumuler le maximum de souffrance possible. D'où le choix par certaines jeunes femmes. Alors, je vais parler de choix parce que je ne vais pas parler de vocation forcée et autres, c'est un autre débat. L'essentiel de ces femmes, 18e, 19e, ont choisi d'entrer en religion. Mais entrer en religion, c'est non seulement prendre le voile, au sens propre comme au sens figuré, c'est adopter les vêtements d'une congrégation donnée, mais ça veut dire aussi vivre en recluse, en prière constante, et toutes les activités d'ici-bas sont des activités préparatoires, préliminaires à la vraie vie. Donc là, vous avez deux images, une assez contemporaine et l'autre un très beau coro que j'ai découvert d'ailleurs grâce à vous, merci les amis, les séminaires, ça sert à quelque chose de temps en temps. Les vieilles apprennent que Coro a peint une sœur annonciade. Alors, vous voyez que cette sœur n'est pas du tout habillée comme celle de l'image religieuse précédente, puisqu'elle porte les livrées du Christ, les trois robes de Jésus, gris, rouge et noir, et que son voile, ici comme elle a accepté de se faire portraiturer, elle le porte baissé. C'est comme ça qu'en principe il doit toujours être porté face à un étranger ou à une étrangère. Et encore, ne doit-il jamais être porté, apparaître en public, que derrière une grille. Donc cette photo familiale que m'a communiquée une collègue belge est intéressante. Le grillage de la clôture redouble le grillage textile du voile. Et pour les apostoliques dont tout à l'heure on vous parlera, moi j'habite à Poitiers, donc je connais principalement les sœurs de la sagesse et les rencontres que j'ai faites avec elle, mes lectures de Crillon de Montfort, Marie-Louise Trichet, qui sont les fondateurs de cet ordre au XVIIIe siècle, rappellent que ces religieuses qui soignent, qui sortent dans le monde, qui vont porter de la soupe, du pain, et qui font l'école à l'extérieur de leur couvent, quand elles s'habillent, elles doivent s'habiller de façon la plus hermétique possible, et elles appellent ça une clôture portative. Donc le vêtement de religion, c'est une clôture portative. Citation de Grillon de Montfort, Saint Grillon de Montfort. Alors, vous allez très rapidement deviner ma fascination pour la religion, et vous allez aussi très rapidement deviner que je ne suis pas, j'ai pas été formée dans cette religion-là, dans une religion d'ailleurs. Donc je ne dis pas Sainte Thérèse de Lisieux, mais j'irai Thérèse Martin, dite de Lisieux. J'espère ne choquer personne en faisant cela. Bon, alors l'autre chose que je voulais dire, c'est que si vous avez envie de m'interrompre hein, à tout moment, alors allez-y. J'ai une petite question déjà. De grand art, parce que cette expression là, cloître portative. Clôture portative, la fondation de l'ordre de la sagesse, c'est 1720-1740. Fondation conjointe de Louis Grillon de Montfort et de Marie-Louise Trichet. Alors, c'est un petit point, je suis contente que vous m'interrompiez, parce que on va parler de couture, de coupe, de longueur d'ourlet et de manche, et c'est dès qu'il y a fondation d'un ordre, vous allez voir qu'il y a nécessité d'inventer un costume spécifique. Or, tous les ordres, presque tous les ordres, sont féminins, sont des fondations conjointes d'un homme et d'une femme. Thérèse d'Avila, c'est Jean de la Croix, je ne sais pas, Louise de Marillac, c'est Vincent de Paul, Jeanne de Chantal, c'est François de Sales, et pour ce qui est de la sagesse, bon. Alors, ça veut dire aussi, et là, ça, on aborde des questions de genre qui me tiennent tout à fait à cœur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les travaux de couture, ça a toujours été dernièreité depuis la Vierge Marie des activités féminines. Il ne faut pas oublier que sartor, ça veut dire tailleur en latin, et que, au moins dans les campagnes de Poitiers, jusqu'en 1850, tous les vêtements et notamment les vêtements de femmes, sont l'œuvre d'un homme. Donc, nos grands fondateurs d'ordre religieux dans le catholicisme sont passionnés par le vêtement, hein, par le chiffon. Alors, les Annonciades, j'y reviendrai peut-être, ah ben, je vais les retrouver là. C'est une fondation de Jeanne de France, fille de Louis XI. C'est un ordre qui est en voie de disparition complète, avec un couvent qui est encore un petit peu rempli de très vieilles dames en Belgique wallonne, ainsi qu'un autre à Gênes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on parle de l'habillement des Annonciades, comme je disais tout à l'heure, c'est un habillement symbolique. Elles portent les trois robes de Jésus, la grise, la blanche, la rouge, et le voile noir de la Vierge Marie. Le scapulaire est rouge, la robe est grise, etc. Alors, les Annonciades célestes, elles ont quelques touches de bleu ciel et des broderies par-dessus, mais enfin bon. Alors, tout ça, j'espère que je suis en train de vous amuser, de vous piquer votre curiosité, c'est le but de ces premières images, et de vous montrer aussi la complexité des choses. Puisque on a tous et toutes, moi en tout cas au départ, l'image de la bonne sœur à peu près habillée pareil, hein, et puis en fait on est en train de rentrer dans un monde où tout est l'objet de délibération. Et alors, à la fondation, à la création du habit, mais aussi tout au long du moment de la vie pendant laquelle on porte cet habit. Je m'excuse d'être un peu. Mes paroles sont maladroites. Alors, premier point, c'est que cet habit veut dire pauvreté, modestie, mais aussi distinction. C'est l'image suivante. Alors, je suis obligée de revenir sur quelques principes vestimentaires, même si j'ai déjà, je crois, fait à peu près le tour. Ça, c'est une image d'une édition de 1847 dans l'Encyclopédie de Migne, de ce fameux ouvrage du père Héliot, qui serait susceptible de vous intéresser, puisque c'est le dictionnaire des ordres religieux et des ordres militaires. La première édition est de 1714-1719 et tout au long du XVIIIe siècle il y a eu des réécritures et cela jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, j'ouvre ici une parenthèse parce que c'est une question que je n'ai pas vraiment résolue. Vu la complexité du vêtement religieux, est-ce pour cela qu'il y a une telle fascination de la part de tant d'écrivains, pas seulement ecclésiastique, pour le vêtement religieux? Je ne sais pas très bien. Le succès éditorial du père Héliot, vous avez dû vous en rendre compte, Clac, en lisant cet article, je ne comprends pas. C'est quand même tout à fait étonnant. Mais ça donne lieu à une très très belle chose. Oh, une vingtaine. Plus des éditions anglaises, italiennes, polonaises, par exemple, que je n'ai pas vues d'ailleurs. Très, très surprenant. Enfin, il faut dire que jusqu'à là... Jusqu'à la fin du 19e. Et là, celui de 1847, il faut dire quand même qu'il y a quelque chose comme 800 figurines, comme celles que vous voyez représentées ici. Donc, on rentre dans un monde qui paraît extrêmement normé, qui est en fait extrêmement diversifié. Donc, la question que nous allons nous poser, c'est de quelles identités ces vêtements sont porteurs. Alors, voilà une synthèse à partir d'Héliot, fin 19e, que j'ai trouvé dans un presbytère du Poitou. Il y a l'équivalent d'ailleurs pour les hommes. Et ce qui me frappe et que ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les couleurs bistre, beige, noir, que nous avons en tête, en tout cas qui faisaient partie de mes clichés, d'abord, il y a des tas de compositions différentes, d'agencements différents, mais il y a aussi des vêtements qui sont bleu ciel, jaune, etc. Il y a une plus grande variété que je ne l'imagine. Alors, ceci étant, résumons-nous, le vêtement de religion, je l'ai dit, c'est un habit réglé au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans la règle de l'ordre et dans les constitutions des congrégations qui relèvent de tel ou tel ordre. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que, comme vous pouvez le voir sur la petite photocopie que je vous ai distribuée, si on regarde rapidement le premier paragraphe qui concerne les règles et les constitutions de la visitation, début du XVIIe siècle, dans toutes les règles monastiques, on va avoir une description diversement longue, mais toujours extrêmement détaillée, de la longueur des manches, de la largeur des ourlets, de la présence ou non d'un bandeau plus ou moins étroit, plus ou moins noir, plus ou moins blanc. Les plis sont eux aussi formatés, et j'insiste sur le fait, c'est une création commune de Jeanne de Chantal, devenue veuve et aspirant, Dieu merci, grâce au veuvage, à vivre enfin une vie pieuse comme elle en rêvait. Le veuvage a permis à toute une série de grandes dames de vivre leur vie au XVIIe siècle. Et avec François de Sales, ils ont inventé un costume. Et dans les biographies spirituelles, qui est une des grandes sources que j'utilise pour ce sujet, on raconte que l'une et l'autre se rencontraient régulièrement, qu'il y avait une religieuse, là aussi on va s'amuser, qui montait sur la table, et puis comme un mannequin, on la faisait tourner pour voir si la manche ne pendait pas trop, si l'ourlet n'était pas un peu trop court, et il y a eu de très longues délibérations sur la longueur du voile, puisque le voile chic, chez les dominicaines ou chez les augustines depuis le Moyen-Âge, traînent par terre. Or, là, les visitandines, il s'agit pour elles d'ouvrir le monde de la clôture, si je puis dire, à des femmes un peu faibles physiquement, qui n'étaient pas capables d'avoir des offices de nuit en nombre aussi grand que d'autres ordres, etc. Donc le vêtement va être allégé, vu que parmi les pénitences que s'inflige ou que doit s'infliger la religieuse, la lourdeur de son costume fait partie de cela. Un costume, vous l'avez déjà tous et toutes deviné, vous le savez, qu'on garde toute sa vie, qu'on ne change pas nécessairement deux fois par an, dans lequel éventuellement aussi on dort la nuit, chez les calvériennes. On est au XVIIe siècle, il n'y a évidemment pas de douche, hein. Il y a à peine une toilette sèche, donc ça grouille de vermine, enfin, je veux dire, vous imaginez les choses, hein. Là je ne veux pas rentrer dans les détails, ces femmes ont très rapidement souffrent d'aménorrhée quand elles rentrent au couvent, mais enfin, certaines sont réglées au sens vrai du terme quand elles rentrent, il n'y a pas de culotte, enfin je veux dire, la puanteur... Le topo, je pourrais le noircir à la fille. Et toutes et tous disent j'ai réussi à camoufler à la robière que je n'avais pas changé de robe cette année. Pas de souci. Donc là, on rentre. Donc, j'ai dit un vêtement réglé. Oui, non, je suis pas sûre d'avoir compris. Là, on parle des visites en ligne, c'est pas pareil que des annonces. Ah ben non, un petit problème de PowerPoint, donc je crois qu'on peut passer sur écran. Toutes les deux sont des contemplatives, voilà. Alors le cas des visitandines est plus compliqué parce que dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, elles vont, pour survivre, ouvrir quelques petites écoles, mais tout en vivant en clôture. Donc ce sont des contemplatives. Alors, comme les annonciateurs. On va surtout parler d'ordre contemplatif, mais vous allez me rappeler alors pour que je dise, est-elle contemplative, est-elle... Au début, vous disiez, elle est contemplative. Les apostoliques. Et les apostoliques. Ouais, alors, les apostoliques, c'est celles dont tout à l'heure on va entendre parler, c'est celles qui ont un travail apostolique, qui sont dans le monde. Alors, c'est vrai, là, on va pas toucher, mais là, je me suis rendu compte, d'ailleurs, il faudrait passer des heures, hein. C'est vraiment exotique, hein, ce dont je n'ai pas. C'est exotique, mais il y a quand même beaucoup de femmes encore qui vivent cela, hein, dans le catholicisme, mais aussi dans le christianisme, etc. Donc, les apostoliques, c'est celles qui sortent de leur couvent, de leur cloître, et qui ont des activités d'enseignantes, ou de visiteuses de malades, ou de soignantes et infirmières, on va en reparler tout à l'heure. Alors c'est une distinction essentielle, et alors là je suis obligée de j'ai pas arrivé jusqu'au bout de mon truc, la contre-réforme après le concile de Trente va pousser à ce que les nouveaux ordres soient des ordres en clôture, donc que les femmes soient des pures contemplatives, et quand on rentre en religion, on rentre dans un couvent donné, on fait vœu de stabilité. Je n'ai pas défini le mot stabilité tout à l'heure et j'aurais dû le faire. Ça veut dire qu'on fait le vœu de rester jusqu'à sa mort dans un même lieu. Donc les amis, vous êtes peut-être entrés dans ce genre d'endroit, il y a des très hauts murs, il y a des barbelés, il y a un cloître, il y a une église. Dans l'église qui est partiellement ouverte aux laïcs, il y a une grille pour que les religieuses suivent la messe mais ne se sont pas vues. Elles ont droit à des parloirs plus ou moins fréquemment, mais pas pendant l'Avent, pas pendant le carême. Et il y a toujours une sœur dite discrète qui est présente à leur côté lorsqu'elles reçoivent leurs parents. Ce qui veut dire que la première image, la deuxième image que nous avons vue, c'est papa et maman qui viennent rendre visite à leur fille, mais il y a toujours au moins une religieuse qui entend et qui écoute. À Fontevraud, c'est la sœur écoute, et qui est chargée d'ailleurs de rapporter ce qui a été dit au parloir, à la mère abbesse. Et la délation est évidemment érigée comme vertu dans ces couvents-là. Alors, vous êtes choqués ou vous ne l'êtes pas, mais on est dans un monde qui n'est plus le nôtre, ou largement plus le nôtre, mais qui a fonctionné très bien pendant plusieurs siècles. Alors, on arrive aux vêtements. Alors, mes sources, il faut quand même que j'en parle un petit peu, beaucoup d'images, genre d'images pieuses, je vous en ai apporté quelques-unes là récentes, mais aussi des portraits qui sont toujours des portraits de fortes personnalités, de saintes ou de grandes abbesses. Ce qui veut dire que la plupart de ces portraits ont été faits sur un lit de mort, et donc c'est la raison pour laquelle la véracité des traits n'est pas assurée. Mais c'est un bon... bonne source, une bonne documentation pour ce qui est du costume. Alors, les récollectines que vous voyez ici sont entièrement dans une gamme de brun et de noir, avec quelques petites taches de linge blanc, et ce sont en fait une branche des franciscaines, d'où la couleur brune de leurs vêtements, puisque François d'Assise, Saint-Clair ont adopté un vêtement brun. Alors, le vêtement spécifique des récollectines, c'est un vêtement qui a été créé par Jeanne-Baptiste de Néhérinck, mère Jeanne de Jésus, 1576-1648, et qui a eu, elle, une vision. Donc, ce n'est pas le fait de la délibération, comme dans le cas de Jeanne de Chantal et de François de Sales. Là, c'est la Vierge qui lui est apparue, revêtue d'un voile noir, une robe et un scapulaire brun, et des sandales de franciscain, et avec sur le scapulaire, ce que vous voyez seulement sur, ou très très mal sur l'image de droite, une broderie noire sur brun, qui représente la croix et les instruments de la passion. Alors, le défilé de mode, que je pourrais commencer, et on en a pour plusieurs heures, donc je ne vais pas vous accabler avec ça, mais c'est quand même très intéressant. Et je dis défilé de mode parce que quand vous interrogez une bénédictine d'aujourd'hui, elle vous dit « mon costume n'a changé qu'avec Vatican II ». Alors, elles portent encore le costume, elles ne sont pas habillées à la laïque, mais elles ont adopté un voile en tergale qui les ennuie beaucoup parce que ça tient mal sur la tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a tendu les cheveux, donc ça glisse totalement. Mais dans les siècles qui précèdent, elles nous disent depuis Saint-Radegonde, 6e siècle après Jésus-Christ, notre ordre a été fondé par cette reine de France, Radegonde, notre costume est resté à l'identique. Alors, moi qui suis historienne de la culture matérielle, je peux vous dire qu'en regardant deux, trois dominicaines comme celles que vous avez sous les yeux, la guimpe est plus ou moins raide, le voile a ou non un rabat, etc., etc. Mais je vous dis, on pourrait faire un défilé de mode. Et je vais finir cette première partie en faisant retour à la visitation. La visitation et ses costumes. Alors, et tous les costumes religieux. Vous avez compris que ça sert à quoi ? Ça sert, j'ai dit, à marquer la rupture d'avec le monde. Rupture d'avec le vêtement profane, même quand, notamment les apostoliques, je pense à Vincent de Paul, comme je pense à Grignon de Montfort, quand ils créent les filles de la charité ou quand ils créent les filles de la sagesse, et pour tous les ordres religieux créés au XIXe siècle, les fondateurs, fondatrices rêvent d'être le plus près possible du costume prolétaire féminin. Donc on va avoir au départ des coiffes qui sont souvent très très proches des coiffes régionales. Mais en réalité, à partir du moment où cette coiffe est adoptée, ce voile est adopté, il est fixé, il est réglé à tout jamais. Et aujourd'hui, ça paraît évidemment complètement désuet. Donc, à quoi ça sert ? Alors, d'abord, comme le voile de nos sœurs musulmanes, ça sert à dire le féminin. Dire le féminin, c'est-à-dire désigner le fait qu'on est femme. La tête couverte est en effet, ça tout le monde le sait, dans la religion catholique, un signe de subordination, un signe d'obéissance, autant qu'un signe de modestie. Il faut relire l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens de Paul. On compare ça avec le Coran et on se dit que l'islam, c'est de la mignotte par rapport aux interdits vestimentaires, aux obligations vestimentaires faites par les pères de l'Église. Et aucune d'entre nous n'est digne d'accéder au ciel puisque toutes nous sommes en cheveux. Excusez-nous, mais obscène littéralement. Alors, subordination, obéissance, modestie, en même temps appartenance à, donc appartenance de sexe, appartenance géographique d'une certaine manière, puisque les filles de Saint-André en Poitou ou les filles de la sagesse vont adopter au départ un couvre-chef qui est celui des paysannes près de Vigne du coin. Donc, appartenance aussi, qui est une appartenance de sexe, je viens de le dire, qui est aussi, et avant tout, une appartenance religieuse. Ce qui veut dire que le vêtement féminin en religion dit d'abord le féminin, mais dit aussi à quoi, à quel ordre ou à quelle congrégation on appartient. Donc, le vêtement de religion est comme les vêtements que nous portons aujourd'hui. Je dis ce que je suis. Une vieille dame qui aime le noir et le gris, qui avait peur d'avoir chaud. Enfin bon, on a toutes réfléchi avant de s'habiller ce matin. Enfin. Et on sait, j'ai mis une bague exprès et des boucles d'oreilles pour me désigner aussi comme une vieille dame qui essaie de ne pas être complètement moche. Enfin, donc, je me désigne socialement par mes vêtements. Et nos compagnons ont fait la même chose, même s'ils refusent de se l'avouer la plupart du temps. Alors, en même temps, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit de cachets féminins. Et le voile, qu'il soit catholique ou qu'il soit musulman, c'est dire « elle est femme et elle n'est que femme », et en même temps, il s'agit de s'empaqueter au maximum. Et toutes celles que vous avez vues défiler jusqu'à présent, quand je dis, nos copains algériens disent les femmes bâchées, les femmes pas bâchées, toutes les religieuses sont des bâchées. Hein. une bâche, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est pour... comment dire, c'est comme une tente, une bâche. Une tente, ouais. Une tente sur soi. C'est comme une grande nappe. When you go camping, you have a... Tarp? Non, on met sur les voitures également. On met sur les voitures aussi, une bâche. Sur les pistes. C'est pour protéger. It's like a blanket. Tarp, veut dire quelque chose qui n'est pas de côté, quelque chose comme ça, c'est plus dur. C'est ça, c'est... Mais une bâche, c'est... Une oui, bâche c'est ça, en caoutchouc, ou en... pour couvrir une voiture, etc. Donc, les femmes voilées, de façon que celles qui portent le hijab en Algérie, en Algérie, on les appelle des femmes bâchées. Moi, je les appelle des impactées. Mais... en même temps, ce n'est pas du tout péjoratif. Les religieuses font, on fait pareil. Hein. Et nous, d'une certaine manière, on est impactés. Hein. Je suis un paquet cadeau. Hein. Les boucles d'oreilles, tout ça, enfin bon. On pourrait discuter longuement de ça, mais je ne fais pas. Donc, dire le féminin et le cacher. Et d'abord, cacher ses cheveux. Puisque, nous savons tous et toutes, toutes les mythologies ont bien dit que c'est avec les cheveux que Samson a été séduit, que Ève... avec ses longs cheveux blonds, a séduit Adam, et c'est pas seulement le serpent qui était à l'œuvre. Le vêtement sert à noyer les formes, donc cacher les hanches, aplatir la poitrine. Le vêtement de religion cherche aussi à cacher le cou, d'où le port des guimpes, wimple, à cacher la gorge, mais aussi les extrémités. Et là, nos sœurs musulmanes qui sont en voile intégrale, vous savez qu'elles portent des guêtres et qu'elles portent des gants, saoudiennes, dévotes. Or, nos religieuses vont être interdites de gants parce que c'est une mode de cours, mais elles vont avoir des manches, comme le dit très bien François de Sales, suffisamment longues pour recouvrir leurs mains en lentilles. Ce qui va poser toute une série de problèmes quand elles vont se mettre à devoir soigner. Donc pendant la guerre 14-18, j'ai trouvé des carnets d'infirmières absolument extraordinaires où des religieuses de la charité disent « c'est pas possible avec nos paquets de vêtements de soigner les gens ». Alors elles ont obtenu d'avoir des manches un peu rétrécies et des rabats qui ne servent pas de réservoir à microbes. Mais quand on est une religieuse sous l'Ancien Régime, il faut apparaître complètement invisible. Alors, pourquoi ? Aux autres hommes, parce qu'il y a quand même des hommes qui peuvent à l'occasion rentrer jusque dans la clôture. Le confesseur, le prêtre qui va officier, et éventuellement le médecin. Et à ce moment-là, il y a toujours une sœur avec clochette qui accompagne le médecin pour que tout le monde se sauve et ne soit pas visible. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette protection n'est pas seulement une protection contre des hommes éventuels qui pénétreraient dans le couvent, mais c'est aussi une expression de modestie face aux autres sœurs. Si bien qu'on circule en clôture, les yeux toujours baissés et les mains dans les manches. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce sont des pratiques que l'on voit très très bien en monde. On reconnaissait pendant la Révolution très facilement une religieuse au fait que automatiquement elle ne regardait jamais en face son interlocuteur et son interlocutrice. Mais surtout la modestie qu'il faut déployer, y compris dans sa cellule et jusque dans son lit, c'est une modestie qu'il faut déployer face à l'époux de la reine, l'époux de les épouses du Christ que sont les religieuses. Et elles ont épousé le Christ en rentrant en religion. Donc la modestie est une vertu absolue, qui n'est pas seulement une protection contre les autres, mais une protection contre soi-même d'une certaine manière. Ne pas voir. Alors, certaines ont dit que les voiles, notamment celles des hospices de Beaune, vous avez tous et toutes vu ce magnifique film, La Grande Vadrouille. Gérard, oui, non, ça ne fait pas partie de la culture. Bon, alors là, elles ont des nains extraordinaires et des voiles, etc. Mais celles-là, comme les sœurs de la sagesse, ou certaines Augustines, ou certaines sœurs grises, ont de véritables œillères. Et quand elles se sont mises à sortir et à conduire, c'était un danger mortel sur la route, parce qu'elles ne pouvaient rien voir. Et tournaient complètement la tête pour voir. Alors, je suis concrète, mais vous saisissez la foi qu'il fallait avoir pour accepter des conditions tout à fait étonnante et insupportable pour une laïque athée comme je suis. Alors, cet habit doit être pauvre, donc les étoffes doivent être communes, rugueuses, et plus ça gratte, plus ça fait mal, et plus il y a de poux et de punaises et de puces qui s'y mettent de loge, meilleur ça vaut. Mais en même temps, vous avez compris, et ce sera ma conclusion de ce premier volet de remarques, il s'agit de se distinguer. De se distinguer d'un ordre à l'autre, d'une congrégation à l'autre, et on va le voir aussi se distinguer à l'intérieur d'un couvent lui-même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde où le paraître a une importance symbolique et spirituelle, au moins aussi considérable que dans le monde profane. Le vêtement transfixe, je fais un jeu de mots, transcrucifixe, il fait partie des croix que doit porter et assumer la femme en religion. En même temps, il fixe une spiritualité et, comme je le disais tout à l'heure, il rêve de rester fixe. D'où un grand usage dans les couvents. Alors là, je passe parce que je suis trop bavarde. On y reviendra. Les poupées ? Oh, je passe aux poupées. Ah, elles sont géniales. Le vêtement est fixé, il faut en garder la mémoire. Alors, vous aurez beau lire et relire le paragraphe de François de Sales ou celui des filles du Bon Sauveur qui est en bas. Si vous ne connaissez pas comment se constituer le vêtement d'Ancien Régime, le voile sera d'étamine noire sans aucune doublure, etc., il vaut mieux avoir une poupée. Et c'est la raison pour laquelle, dans les règles des sœurs de la charité de Saint-Charles, encore en 1845, on dit il faut absolument avoir et garder sous clé dans le coffre-fort du couvent une poupée pour garder souvenir de ce vêtement. Alors là, j'ai fait exprès, après les images d'Elio, de vous mettre quelques images. Il y a Bernadette Soubirou, il y a Anne-Charlotte Lamouroux, il y a une sœur grise de Montréal dont je ne sais plus le nom, enfin une sœur Dionville, il y a sœur Julie qui a été décorée de la Légion d'honneur pendant la guerre 14-18, sœur de Saint-Charles. Et puis, vous voyez toute une bande, c'était pour vous que j'avais mis cette petite image que j'ai prise sur Internet, d'une école d'infirmières à Montréal en 1950, où ont été envoyées toute une série de religieuses venant de congrégations apostoliques, soignantes, des quatre coins du Canada. Et donc là, on voit bien la diversité qui persiste des costumes jusqu'à Vatican II. C'est cette petite image là. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec. Alors, c'est en amidonné, c'est raidi. Il y a des fils métalliques qui tiennent les ailes carrées, etc. Comment? C'est Sœur Julie. Je vois qu'il y a un regard. On regarde de tout là. Le melting pot. Le melting pot du bas. Avant la poupée. Mais Sœur Julie est une femme remarquable parce que c'est une sœur de Saint-Charles. On en reparlera peut-être. Alors, les poupées, ça, c'est quand même croquignolet. Moi, je dois avouer qu'il y a 5 ans, j'ignorais. C'est perturbant, je sais. C'est un peu perturbant. Enfermé au coffre-fort. Oui, oui. Alors, le jeu de la poupée dans les couvents où j'ai fait des interviews, je vais en parler éventuellement, c'est tout à fait étonnant. Parce que chaque religieuse, par exemple chez les Augustines à Poitiers, a son bébé, qui est un enfant Jésus, qu'elle habille, dont elle fait la layette, qu'elle sort à... Et moi j'ai fait une exposition sur l'entrée dans la vie en Poitou, où j'avais des enfants Jésus, parce que c'était quand même des enfants d'autrefois, donc les mettre en série... ça a beaucoup choqué, mais je trouvais ça intéressant. Ouais. Mais il y a une religieuse, la mère supérieure d'un couvent que je ne nommerai pas, qui a exigé de ces religieuses qu'elles prêtent leur bébé. Et l'exposition qui avait lieu au musée Sainte-Croix de Poitiers, dès qu'elles avaient une permission de sortie, elles venaient à deux voir leur bébé. Et on a les vieux bébés, Alors, oui, parce qu'elle souvent elle est laide. Mais ce qu'il y a, c'est que le Vatican II est passé par là, que la plupart des couvents ferment, et que ce sont des objets qui n'ont pas été préservés comme ils auraient pu. Et surtout, moi, j'ai pas fait les interviews qu'il fallait en temps voulu. Il fallait savoir. Ouais. Mais vous vous rendez compte, deux vieilles dames, encore plus vieilles que moi, mais Kakoshim avec une canne nouvelle, qui venaient dans un musée, il y avait des vitrines. Alors, c'était à côté de la vitrine des instruments d'obstétrique. Alors, c'était. Oh là. Le front à la pudeur. Ah ben non, il y a toutes sortes de choses. Enfin, vous regardez la peinture du 17e ou la sculpture du 17e, 18e, 19e. Il y a des bébés qui ont des gros sexes, des petits sexes, pas de sexe, des cheveux blonds. Mais c'est la famille, un sexe en couture. Ah ben là, c'est des bébés qui sont Alors, les plus récents sont en rhodoïde, en celluloïde, mais l'essentiel, c'était des sculptures en bois. Et l'enfant Jésus, puisqu'il s'est fait homme, ils ont toujours un sexe. Ouais. Comment ? Ils ont toujours des tillères sur leur bébé. Mais oui, c'est le bébé Jésus. Ils ne sont pas transgressifs au point de faire des bébés femmes. C'est quand même hyper violent de la part de la mère supérieure, du coup, de faire. Parce que y a la construction, elle est permise de ce genre de relation et elle est conseillée, encouragée. Enfin, je veux dire, il y a un moment où soit on a un bébé, soit. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Ça fait un zoé pour elle. Elles ont gagné. Elles sont allées bien plus haut, plus vite au paradis. C'est ça où notre logique ne fonctionne plus. La mienne, en tout cas. Parce qu'elles ont accepté que leur bébé, parce qu'elles se sont infligées de souffrance. Ben oui. Elle l'appelle bébé. Non. Ah non, c'est mon enfant. Ouais. C'est ceci. Bon. Ben ça, on pourrait en parler des heures. C'est très étonnant. C'est un monde violemment, violemment, violemment exotique. Mais c'est un monde très violent. Mais où les bonheurs sont ineffables. Je ne les connais pas. Mais j'en rêve. Parce que l'extase que vivent les plus grandes, apparemment que ça dépasse tous les orgasmes que vous avez vécus les uns les autres. J'en sais rien. La transverbération de Thérèse d'Avila par le Bernin, bien étudié par notre ami Lacan, la flèche est bien centrée et les élévations, les états, les transes que décrivent ces femmes, c'est d'une beauté ineffable. Ineffable, c'est-à-dire ça ne se dit pas, indicible, disent-elles. Et elles disent bien que vous et moi, on ne le saura jamais, enfin, moi en tout cas c'est sûr. Vous peut-être. Moi je vous le souhaite. Donc on sera une poupée. Bon, alors, je suis trop longue parce que vous avez compris que ce que j'ai aimé vous mettre sur mon PowerPoint, c'est le bon père qui collectionne les poupées. C'est ça. Non, mais là, pour le coup, il y a un rapport de genre en plus. Je ne suis jamais quand même trop loin de mon sujet. Hein. Alors, il y a une amie anthropologue, Sylvie Sagne, qui va faire son habilitation sans doute sur les poupées. Génial! C'est une fille remarquable, on en a beaucoup discuté, parce que moi c'est tout à fait anecdotique, et puis moi j'ai pas le droit de les déshabiller, mes poupées, parce que c'est devenu tellement rare et précieux. Il y a 2-3 collections en France, dont le musée de Pau, mais j'y suis allée 2 fois en disant je voudrais bien voir les dessous, puisque je sais que tout est précis et date de l'époque. Mais ça, je n'ai pas encore le droit de déshabiller les poupées en question. Mais le bon père qui est là, lui il peut déshabiller ses poupées. Après Vatican II, les couvents ferment, il a volé, acheté, je ne sais pas, reçu, dirons-nous, des tas de poupées et il les collectionne. Mais c'est que là, c'est des poupées de sœurs, c'est plus les poupées des bébés. Non, là, ce ça, c'est les modèles qui gardaient dans chaque couvent pour indiquer quelle était la règle vestimentaire à adopter. Comment ? Ça existe encore. Oui. Oui, mais non, oui et non. C'est très difficile à retrouver, par exemple, les bénédictines. Comment ? Oui, mais les bénédictines. Alors, je ne sais pas dans les couvents que vous avez étudiés, mais par exemple, les bénédictines que je connais, les carmélites que je connais, ont honte d'avoir, de dire qu'elles ont encore des bébés ou des poupées. Parce que regardez votre fascination, ouais. Votre amusement. Parce que l'étude de la charité qu'on a avec Anne Voix, moi c'est la première chose qu'elle m'a montré, la poupée habillée. Enfin, ah oui. Mais c'était pas le bébé, mais c'était la poupée à différentes périodes avec une fierté. Oui. Alors. Là, je vous dis. C'est une relation de confiance à avoir en tout cas. Il faut avoir une relation de confiance. Et en tout cas, les conservateurs de musée hésitent beaucoup à montrer ça. Bon, alors, deuxième volet, j'ai appelé ça éclat de blanc, faste des rites de passage et trivialité du quotidien. Alors, je rappelle là aussi des choses que vous savez, mais que vous avez oubliées. C'est que le cérémonial de la prise de voile. Est un cérémonial tout à fait extraordinaire, puisqu'il s'agit de bien marquer la rupture d'avec le monde, encore une fois, et pour accéder au monde de son ordre. Et donc, au 19e, 20e siècle, mais aussi dans les siècles précédents, la postulante, après avoir passé quelques mois, quelques années, et avoir été jugée apte à la vie religieuse, décide de devenir novice et prendre le voile. Et le jour de la cérémonie, elle revêt sa plus belle robe, c'est-à-dire une robe de mariée. Si bien que c'est dans les couvents qu'on trouve les robes de mariée les plus anciennes en France et au Québec, puisque c'est aux Ursulines de Québec que j'ai commencé mes premiers travaux. Alors ça, c'est une carte postale que j'ai trouvée sur un brocanteur et qui montre l'arrivée à la chapelle de la postulante qui va devenir novice et prendre le voile blanc. Donc, là, je passe, prendre le voile, ça veut dire, alors, c'est extrêmement ritualisé, c'est variable et très clairement identifié comme différent d'un ordre à l'autre, mais j'ai mis côte à côte Jeanne de Lestonac, fondatrice de la Congrégation des Filles de Notre-Dame au début du XVIIe siècle, et les deux jeunes femmes qu'elle reçoit, elle leur offre un voile blanc, et celles-ci sont en tenue de parade de mariée, qui n'étaient pas encore des robes blanches au XVIIe et XVIIIe siècle. Je rappelle bien sûr que prendre le voile, c'est aussi abandonner toute vanité, tout souci de coquetterie, et donc l'objet corporel par essence qui dit la féminité et la coquetterie, c'est-à-dire les cheveux. Et donc on est tondu rasé ou au moins les cheveux coupés. Et cette chevelure blonde pieusement conservée, peut-être apocryphe, m'a-t-on dit récemment, de Thérèse Martin, moi ça me bouleverse. Je trouve ça triste, triste, triste. Mais c'est parce que je ne suis pas catholique, catholique, catholique. Et en tout cas, que si j'étais catholique, je ne pense pas que je saurais pousser l'abnégation et le goût de la souffrance jusqu'au point de me tondre, me faire tondre. Alors, comme Thérèse a été assez rapidement jugée par ses sœurs apte à la sainteté, elles ont gardé très soigneusement ses cheveux. Mais je rappelle que les couvents que vous connaissez au XIXe siècle tirent une petite partie de leurs revenus, mais quand même des revenus, de la vente des cheveux, comme les bretonnes paysannes de la même époque pour faire des perruques. Et c'est une source de revenus non négligeable. Donc là, on a très peu de cheveux conservés. Généralement, les parents prennent quelques mèches et puis en font des bijoux, des bagues, en souvenir de leur fille. Alors, une autre image de ma grand-mère vous intéressera. On voit l'épouse du Christ. Et les rituels dans la vie de la religieuse sont marqués par, après la prise de voile, on devient novice, et pendant un an, deux ans, on n'a pas le droit de porter le voile noir, mais on porte le voile blanc. Et lorsqu'on accède enfin au voile noir, c'est-à-dire qu'on a prononcé ses vœux permanents, à ce moment-là, on est couronné avec une couronne du type de celle que vous avez sous les yeux, couronne qui, elle, est pieusement gardée jusqu'à la mort de la religieuse, puisqu'on le mettra sur sa tête lorsqu'elle mourra, et qui est utilisée aussi après 50 ans de vie religieuse. Les rites de passage et les vêtements qui changent, ils ne changent pas beaucoup quand même, hein, entre-temps. Alors, des images de Thérèse de Lisieux qui sont bien connues, carmélite, donc elle est en voile blanc, elle est en voile noir, et elle est en voile noir et couronne blanche sur son lit de mort. Alors, je vais essayer d'achever ce parcours à grands pas en essayant de m'interroger et m'interroger avec vous sur ce que ça veut dire que s'habiller du même coup. Bon, ce matin, j'ai mis un t-shirt propre, petite culotte propre. Je venais à Paris, il fallait quand même que je sois propre, hein. Ça veut dire que j'avais une culotte, même plusieurs culottes dans mon placard, hein, que je me suis dit je me mets en noir ou je me mets en rouge. Vous avez eu la chance d'éviter le rouge de Belgrasse aujourd'hui. Vous voyez, j'avais le choix. Pantalon, oui, c'est commode, jupe, non, etc. Dans un couvent, Thérèse, elle a son scapulaire, elle a sa robe. Elle a éventuellement un jupon si c'est l'hiver, puis elle va avoir tout son harnachement de tête dont je vais parler. Et puis elle a sa cape de bure qu'elle doit mettre chaque fois qu'elle va à un office religieux. Je reviens peut-être en arrière pour que vous voyez le système du vêtement de la carmélite. Alors, quand ses sœurs la font poser, elles lui mettent un voile fraîchement repassé, donc c'est intéressant pour une historienne matérialiste comme je suis, de voir où sont les plis et comment ça pouvait être rangé. Mais elle a dormi la nuit avec la tunique de dessous qu'elle porte jour et nuit, et avec un bonnet de nuit, qui n'est pas un bonnet de coton comme celui de la chanson, mais qui cache complètement les cheveux, la nuque, et qui se ferme par un petit lacet sous le cou. Alors, ding ding dong, office du matin, matine, il est 2h ou 3h du matin. Il y a eu 3h ou 4h de sommeil au préalable. Il y aura 6 autres offices dans la journée. Donc, il s'agit de s'habiller. Alors, je n'ai pas l'hésitation si je suis carmélite, qui était le mien, savoir si je le mets en rouge ou en mettre en noir, c'est l'habit que la robière m'aura donné, qui n'est pas forcément ma taille, mais je n'aurais pas dit qu'il me sert trop ou qu'il est trop grand, parce que comme c'est une pénitence, là, je l'aurais accepté. Mais le harnachement, je m'excuse d'employer ce terme-là, j'espère ne choquer personne encore une fois, la cloche sonne, j'ai 10 minutes pour des pieds à la tête. Alors, la tunique de dessous, je l'ai déjà parce que j'ai dormi avec. Mais j'enlève mon petit bonnet, j'en mets un autre, je mets mon bandeau blanc que je vais nouer par derrière. Je vais avoir un voile blanc, un voile noir. Le vêtement de la religieuse jusqu'à Vatican II est un vêtement, évidemment, sans bouton, sans fermeture éclair et sans agrafe. Comme sous l'Ancien Régime, les femmes sont interdites de boutons. Les femmes sont interdites de boutons sous l'Ancien Régime. Hein. C'est un marqueur de genre, du masculin, bien évidemment. Donc, tout doit être fixé par des épingles. Donc, elles ont toutes sur leur table des cheveux un épinglier qui n'est pas destiné à la couture, mais à fixer leur vêtements. Et avec ça, alors, la toilette on n'en parle pas. Peut-être se frotter, comme dit Vigarello, toilette sèche avec un bout de tissu pour enlever le sébum de la nuit, et ça suffira. Et il faut courir, comme le nom montre ces deux religieuses toutes vêtues de noir, après matine, épuisées. Il est 2h ou 3h du matin. Il y a de nouveau 2 heures de sommeil. On se rendort, on enlève tout, on se remet en tunique, on se met au lit, une autre cloche va sonner, et il va falloir se rhabiller. Les offices du jour, il n'y a pas besoin de se déshabiller, rhabiller. Ce qui veut dire que lorsque je lis dans les biographies spirituelles qu'elles portent le même costume de jour et de nuit, au début je disais, mais quelle horreur. Mais en fait, heureusement, alors la plupart, je pense, dormaient avec leur costume complet, sauf le voile, parce qu'il aurait été trop froissé et qu'il se serait défait dans la nuit. Parce que c'est infernal, ce système d'habillage et de rhabillage. Alors, moi, j'aime beaucoup surtout Geneviève Gallois, qui était bénédictine du Temple, et une immense vitrailliste, femme peintre. Ça, je crains que ce soit moi. Et regardez pendant ce temps cette image. Silence. Je ferai passer cette petite brochure, une exposition absolument phénoménale qui a lieu à Rouen, la Port-Royal, il y a quelques années, sur cette bénédictine qui m'a beaucoup impressionnée, car en 152 dessins, elle raconte la vie de couvent. Et là, vous voyez les postulantes tout de noir vêtues, mais en tenue qui est encore en tenue, une tenue laïque. Vous voyez la novice, silence et silence. Alors ça c'est vous voyez la sœur de cœur tout de noir vêtue. Et puis quelques détails alors prosaïques. Là mon exemple c'est les Ursulines de Québec qui vous montrent les empaquetages de tête et la complexité de ces enveloppements. Je passe parce que je suis trop bavarde. Pour terminer sur les lessives. Alors, le jeu du noir et du blanc et des couleurs sombres, est quelque chose sur lequel j'ai écrit récemment, donc je ne vais pas vous en reparler longuement, mais qui implique que l'essentiel du travail manuel dans les couvents de contemplatives. Alors, elles sont atteintes à ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire la lecture, l'oraison, la prière régulière, deux ou trois fois par jour. Et puis, le reste du temps, c'est le travail manuel, les œuvres et la prière. Et cette scène de buade, ou de bugé, comme on dit dans ma province, m'a paru extrêmement à la fois amusante et bouleversante, parce qu'il donne l'illusion d'une communauté de femmes unies et uniformes. Alors, c'est plus compliqué que ça, puisque vous voyez que vous devez avoir une postulante avec la tête non couverte et vêtue de gris tout en haut, et vous devez avoir un voile blanc qui traîne quelque part dans le fond, voilà. Et les autres sont en voile noir. Et ces bugés ou ces lessives couventuelles sur lesquelles je disais tout à l'heure, j'ai un peu travaillé, faut rappeler que c'est un moyen, une autre source de revenus considérable pour les ordres contemplatifs. Et vous avez toutes et tous, et j'espère que vous irez absolument emprunter ça à votre médiathèque la plus proche, voir les Maudlin Sisters de Mullen. Hein, on voit comment en Irlande, jusqu'à les Sœurs de la Madeleine, jusqu'à l'époque récente, cette activité qui était une activité interne et une nécessité interne quand les communautés avaient 20 à 30 religieuses, il y avait beaucoup de linge à laver, puisque le linge c'était la seule manière de se laver. La tunique de dessous frotte, c'est la toilette sèche comme dont parle Vigarello et les textes d'Ancien Régime. Donc, et progressivement, les religieuses, pour se faire des revenus, quand leurs communautés se sont appauvries, ont transformé leurs habitudes de lessivage en... oh là là, je ne sais plus le mot, comment on appelle ça, en laverie industrielle. Et c'est ce que montre très bien le film sur les Maudlin Sisters, qui en plus montre d'autres choses, y compris la souffrance qu'on s'inflige et qu'on inflige surtout aux autres. Et surtout quand les autres sont des filles perdues. Voilà. Alors, je vais finir là-dessus. Alors, Geneviève Gallois, elle est extraordinaire parce que c'est une intello et une artiste. Et visiblement, elle déteste le repassage, elle déteste le lavage. Il y a une dizaine d'images où elle montre cette activité à laquelle elle est contrainte de se plier comme les autres religieuses. Alors, je n'ai pas dit grand-chose et je vais m'arrêter là. Sur un double petit clin d'œil, la Javelle Lacroix, que vous utilisez toutes et tous, évidemment, quand vous avez des tâches qui résiste. J'avais jamais réalisé jusqu'à une date récente qu'il y avait la croix dedans. Oui. La pureté. Et donc le plan de la pureté, grâce à l'autre Javel. Et donc on comprend que les publicitaires des années 1880 utilisaient une fille de la charité pour vanter les vertus de... Alors, vous avez compris que je n'ai fait alors une blancheur d'immaculée, immaculée comme vous voulez. Et je termine, parce que ça c'était mon clin d'œil pour Clyde, bien sûr. Une image qu'elle et moi, que nous aimons beaucoup, de Jean-Baptiste Lequeux, qui est un architecte et graveur de l'époque révolutionnaire, dont on ne sait pas exactement quoi faire, bien évidemment, et qui, dans la vague anti-religieuse de l'époque révolutionnaire, a dessiné et a gravé cette religieuse à la poitrine opulente, magnifique, mais qui est à regarder comme d'abord un bon exemple de ce qu'était l'habillement religieux, et à regarder aussi pour son obscénité qui saute aux yeux de toutes et de tous, bien sûr, puisque sa façon de tenir la guimpe, on se demande bien ce qu'elle a dans la main, et... Je baisse les yeux.